Salut Charline. Bon, est-ce qu'on a les hebdos ce matin? Ouais, ouais. Ouais. Il y a Julie Gagné en couve de l'Express. Oh, ouais. Là, là, ça, quand on arrivait de faire la couve de Télérama, c'est sûr que. C'est pour le festival de Cannes qu'elle est dedans. Non, non, il y a écrit son business, son influence, son parcours. Son parcours, ça va être rapide à résumer. Bon, qu'est-ce qu'on a en couve de Télérama? Isabelle Huppert. Elle couche avec le président aussi, celle-là? C'est quoi l'histoire? Là, c'est pour le festival de Cannes. Attention, c'est pas l'assurance d'être en couve parce que tu couches avec le président. Carla Bruni, elle en faisait plus avant d'être avec ça. Même les Didi, elle faisait beaucoup de couves alors qu'on savait même pas qu'elle était avec Giscard à l'époque. Ça va. Voilà. Bah, et à Paris Match, on a quoi? Bah, c'est Charlène de Monaco. Ah, ça, c'est encore plus fort parce qu'elle est même pas actrice. Ouais, c'est vrai, ça. On traite le sujet alors ou pas? Quoi, de l'influence de Gaillet sur Hollande? Ou du racolage de l'Express de la mettre en couve? Ou de l'ingratitude de Télérama qui ne reconnaît pas le talent de Julie Gaillet. En tous les cas, c'était parlé. Vous êtes injuste parce que si vous sortiez avec une présidente, vous cracheriez pas comme ça sur la presse. Je sais très bien, j'ai essayé. Ah bon? Mais Laurence Bloch veut pas. Comment ça, elle veut pas? T'as essayé quoi? Non, elle m'a dit qu'elle avait quelqu'un déjà dans la maison. C'est Patrick Cohen! Mais non, c'est pas Patrick Cohen! C'est Nagui! Mais non, c'est pas Nagui, je peux vous le dire. Mais comment tu sais tout? Eh ben parce que je. Quoi? Bah t'as l'air bien informé. Mais non, arrêtez. Non, j'ai pas envie d'en parler, ça me gêne. J'ai pas envie que ça sorte dans la presse, voilà, c'est elle perso. Elle te préfère à moi? Eh ben oui, voilà, c'est comme ça, je vous le dis, avec Lolo, c'est du sérieux. Bonjour la France Inter, bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui taille un costard à l'actualité. Et voici les trois informations qu'on va rhabiller jusqu'à 18h. Quand on affirme soi-même que ce que l'on fait est historique, même quand on va boire un café avec un vieux en training qui s'est pas rasé depuis longtemps, est-ce qu'on n'attrape pas un peu le boulard? Le président de la République aurait-il avalé Alain Delon? D'ailleurs, le César du meilleur empereur a été décerné à César. Avez-moi. Comment parler une 68e fois de Cannes sans se répéter? Eh bien, cette année, la tendance dans la presse est de parler des sponsors qui vampirisent le festival. Y a qui à Cannes cette année? Cette année, Nespresso, Audi, les glaces Magnum. Les académiciens sont assis sur un siège numéroté. Alors, pour le retrouver, ils savent compter. Quand il s'agit de gérer le pactole sur lequel ils sont assis, il n'y a plus personne. Et tiens, au fait, ils en sont à quel mot du dictionnaire, les académiciens? Baisable, B-A-I-S-A-B-L-E. Oui. Si on veut. Oui, voilà. Et pour traiter de ces informations, je suis accompagnée du siège 007 de la blague. Bonjour, Charline Vanhoenacker. Il est envoyé le selfie, j'ai fait mon boulot, tout va bien. Et autour de la table, le tapis rouge de la chronique, les légendes de l'émission. À 17h20, l'homme dont on ne comprend pas tout, mais que tout le monde prend pour un génie, le Jean-Luc Godard de l'émission. Wow. C'est André Manoukian. Ah, j'ai bien fait de venir. Alors écoutez, un petit état du jazz vocal. Et est-ce que le renouveau ne viendrait pas de Belgique? Elle s'appelle Christelle Vautier. On vous le dit depuis longtemps, à 17h30, le provocateur de l'émission, le Marco Ferreri local. Sauf que nous, on boufferait ses chroniques jusqu'à l'étouffement de rire. C'est Guillaume Meurice. Bonjour Alex, bonjour Charline. Alors moi, je me suis rendu aujourd'hui à la Villette pour le grand forum de l'alternance destiné à aider les jeunes à s'insérer dans le marché du travail. J'ai notamment rencontré une conseillère d'orientation. Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent faire chroniqueur radio? Alors, chroniqueur radio, non. Bon, ça c'est bien. Ça, on est peinard. Et à 17h40, Ingrid Bergman, Ava Gardner, Elizabeth Taylor, Lauren Bacall, Audrey Byrne, Marilyn Monroe, Rita Hayworth, Loana et Clara Dupont-Monod. Ça vous va comme liste? Oui. Je suis désolé, je connais pas cet homme. De quoi va-t-on parler? D'une reine de France, une reine médiévale qui n'aurait fait qu'une bouchée de François Rebsamen. Allez, chaque jour dans cette émission, nous sommes accompagnés d'un invité de référence qu'on appelle un référent de la République qui aujourd'hui vient d'une monarchie. Vous êtes né sous Baudouin de Belgique. Vous vendez vos premiers dessins à la presse en 84 quand le pull en mohair d'Anne Sinclair apparaît pour la première fois dans 7 sur 7. Vous remportez le prix de l'humour vache en France en 86. C'est l'année où Niagara chante « Je dois m'en aller » tandis qu'Elsa chante « T'en vas pas ». Donc on ne sait pas très bien. Vous êtes fait chevalier de l'ordre de la couronne en 2005. Vous êtes donc un féodé à la monarchie. Et c'est quand Charles épouse Camilla, figurez-vous. Alors voilà. Vous êtes content de le savoir et donc vous êtes, je vous laisse le dire. Pierre Kroll. Bienvenue. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Pierre Kroll, caricaturiste du journal Le Soir, qui est le journal de référence en Belgique. Est-ce qu'on pourrait dire à nos amis français que vous êtes un peu le plantu belge? Il y en a qui le disent, oui. Il y en a qui disaient parfois le cabu belge, parce qu'au niveau du style, j'étais un peu plus proche, mais je suis plus vivant. Donc, entendu, c'est moins bien dessiné que Plantu. C'est maintenant, je prends Plantu, quoi. Ouais, ça voudrait dire que Le Monde est le journal de référence en France. Ce qui n'est plus le cas. Mais je ne veux pas lancer non plus des débats et des polémiques. Merci. Alors, votre dernier album s'appelle Le Grand 20e, parce que chaque année, vous sortez l'album de vos caricatures de l'année qui balayent le monde entier. Hein. Ça va d'Obama au Pape, en passant évidemment par la Belgique. Et pas mal, la France aussi s'est parue à la renaissance du livre. Je pense que les Français peuvent s'y retrouver assez largement. Hein. Il y a beaucoup d'internationales, de France notamment aussi, dans le bouquin. Il y a quelques pages qu'ils peuvent comprendre. Et puis dans celui-là, bon, pourquoi il s'appelle le 20e, parce que c'est mon 20e, hein, c'est facile. Et il y a aussi 6 pages à la fin qui sont une petite parodie de Tintin, parce qu'il n'y a pas qu'un certain prophète qu'on ne peut pas dessiner. Vous savez qu'on ne peut pas dessiner Tintin non plus, c'est très interdit par les ayants droit de la famille d'Hergé. Et donc comme les caricaturistes, oui, par Fanny. Et comme surtout par son mari Nick Rodwell, parce que lui il a épousé l'héritage, la veuve, tout le bazar. et donc il n'aime pas qu'on fasse quoi que ce soit du personnage, et comme les caricaturistes sont souvent là pour faire ce qu'on ne peut pas faire, je me suis osé dans un début de petite histoire de Tintin. De Tintin vieux, non ? Oui, l'idée c'est de faire Tintin. Je suis parti de l'idée qu'aujourd'hui il aurait 85 ans si on dit qu'il est né à 85 ans dans la presse. Et donc c'est un vieux monsieur qui est plein de pognon, qui s'emmerde dans son château de Moulin-à-Serre, qui voudrait bien repartir dans une aventure, mais justement, comme Nick Rodwell ne veut pas qu'il y ait des suites aux aventures de Tintin, ben il va essayer de trouver une manière de survivre à son grand âge. Et voilà. Milou, vous en avez fait quoi de Milou ? Il est empaillé. Il est dans une armoire empaillée. Alex Vizerec allait vous demander, est-ce que vous avez eu des ennuis ? Comme on ne peut pas représenter Mahomet, on ne peut pas représenter Tintin. Avec des djihadistes tintinophiles. Hein. Ouais. Pas encore. Nick Rodwell a envoyé un petit message en disant qu'il ne fallait pas me faire de publicité. Ah, ce qui est plutôt un compliment. Quoi. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Voilà. Allez, c'est parti. Mais je ne sais pas du tout ce que ça m'autorise de faire. Je ne sais pas si je peux continuer. Moi, j'ai fait que 6 pages et c'était un peu habile puisque ma petite histoire se termine comme si j'apprenais que je ne pouvais pas la continuer, si vous voulez. Alors, la caricature, la satire politique, c'est une grande tradition française. Est-ce que ça l'est un peu moins en Belgique ? C'est vrai que la Belgique est plus connue pour la bande dessinée, pour enfants. Ben voilà, Tintin, on vient de citer, et puis toute l'école qu'on dit de Marcinelle, c'est les autres, c'est-à-dire les Schtroumpfs, Gaston Lagaffe, Spirou, etc., que pour la caricature pure et dure à la française. Mais on a un beau passé dans l'histoire. D'abord, beaucoup des journaux satiriques français, à chaque fois qu'ils étaient interdits en France, se faisaient imprimer en Belgique. C'était le cas aussi pour la littérature. Pour la littérature aussi. Bien sûr, ça a été un havre, la Belgique. Mais oui, Victor Hugo, par exemple, a habité sur la Grande Place. Valérie Trierweiler. C'était en Allemagne, je crois. Ah, c'est en Allemagne, pardon, autant pour moi. Disons que comme comique, Victor Hugo en a fait mieux, mais encore qu'il était un peu caricaturiste à 16 heures, et très souvent caricaturé. On a aussi nos caricaturistes maintenant dans tous les journaux, belges comme, francophones comme néerlandophones. Alors, est-ce que la politique française se prête un peu plus à la caricature parce qu'elle aurait ça en germe? Je pense notamment à un de vos derniers dessins sur la France. Vous dessinez souvent ce qui se passe en France. Un des derniers dessins, c'était le 1er mai du FN, et là, c'était quasiment une fresque, parce qu'il y avait plein de choses qui se passaient. Ah oui, sur une heure, il s'est passé beaucoup de choses là, autour de Jeanne d'Arc. Alors, est-ce que la politique française a plus d'aspérité, ou plus de caricatures? Est-ce qu'on est plus intéressant que les Belges, en fait? ça fait trop de questions en même temps. C'est la même. Alors, c'est oui, oui, non, non, oui. Non, en fait, c'est vrai, il y a plus d'aspérité, c'est-à-dire que la politique française est plus violente, elle est beaucoup plus méchante, on va dire, parce que vous avez un autre système électoral qui consiste à désinguer son adversaire et à finir tout seul. Dans les vertus de la monarchie, deux tours, vous voyez ? Non, c'est pas tellement ça, c'est surtout notre système proportionnel à un seul tour. Donc tous les partis politiques doivent ne pas traiter trop l'autre de connard, parce que tôt ou tard, ils vont se retrouver en coalition avec. Mais voilà une solution pour la France. Mais oui, mais sans rire, c'est vrai que c'est ce système qui, chez vous, vous pousse à être aussi hargneux, quoi. Et aussi, comment je vais dire, à vous détester vous-même. Enfin, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, Charline, alors que vous êtes même, c'est plutôt pour les autres. Bon. Ça prouve mon assimilation. Voilà, mais en France, il faut dire que la France va super mal, que tout est raté, etc., à cause de l'autre qui est là, et comme ça, on prend sa place. Chez nous, on ne peut pas y aller aussi fort. Par contre, on a des trucs en Belgique, effectivement, que vous n'avez pas, comme un roi, qui est quand même un beau sujet de caricature, surtout quand il a aussi des enfants naturels. Vous êtes un des premiers à avoir dessiné, d'ailleurs, parce qu'il y avait une espèce d'aussi de... On dessine pas le roi, quoi. Quand j'ai commencé ma carrière, et c'était encore Baudouin Ier, je suis né sous Baudouin Ier, et j'ai commencé à dessiner sous Baudouin Ier, on me disait qu'il était interdit de dessiner le roi comme, des, comme dans des espèces de vieilles monarchies. Mais c'est parce qu'il est assez moche, et, je peux le dire. Bah, surtout parce qu'il n'avait pas d'enfant, il était marrant comme un cierge, et une femme catholique comme pas possible, et donc il ne se passait jamais rien. Quoi. Moi, il y a un roi belge que j'aime bien, c'est Albert Ier, parce que c'est un alpiniste, il a donné son nom à un refuge à Chamonix. Oui, mais il en est tombé. Oui, c'est un alpiniste un peu Rappelons qu'on ne pouvait pas caricaturer le roi en Belgique jusqu'à ce qu'à un moment, Charlie Hebdo fasse cette magnifique une lorsque Baudouin est mort, le roi des cons est mort. Time is running out, a ghost keeping me alive. I get what he means, you have to survive. 8 o'clock in the morning, too hard to give, too hard to live. I can't stop dreaming, do you know what I mean? Make up your angry eyes, you stay hidden, but I see you smile. I wanna stay inside your arms, I want to feel fine. 20 minutes and I'm ready, it's not raining today. I'm late and I must hurry, welcome to my way. I don't wanna wear this, I'm sorry, it's not raining today. Morning, your kisses on my skin. What's your game tonight? Will you talk to me? You know I need you to make it real. Time is running out, you're keeping me alive. I get what it means, you have to survive. Time is running out, you're keeping me alive. They're saying to me, I gotta smile, smile, smile. Forget, forget, forget it, I'm on obey. Promise on my words, leave the gun outside. I got the words, let them blow your mind. It's a lie, lie, lie. I get what the story will be. You gotta try, try, try. Escape, escape, escape your miseries. Stop the motion, I got the solution. Wake up, focus, live and get free. Keep the Youth, Ghost, ils viennent de Lille. On aimerait bien les inviter un jour. Bah, c'est dit. Keep the Youth, voilà, on passe l'appel. Hein. Il est 17h19 à Lille et sur France Inter. Nous sommes en compagnie de Pierre Kroll, caricaturiste belge. Exactement, et autour de la table, les noms belges, nous avons Guillaume Meurice, nous avons Clara Dupont-Mono et André Manoukian qui a appris l'histoire de la Belgique, car il pensait être gentil en nous disant que Albert Ier était un bon alpiniste, et il a appris que vraiment il en était décédé. C'est un roi que nous aimions beaucoup, André, vous nous avez fait beaucoup de mal en nous rappelant ça. Ouais. J'aurais une pensée émue chaque fois que j'irai au refuge Albert Ier désormais. Allez, avant de passer à André Manoukian, Guillaume Meurice et Clara Dupont-Mono, les trois gros morceaux de cette émission. Une revue de presse à deux voix à quatre mains. Charline Vanhoenacker. Non mais je vous en veux pas, mais... Alex Vizorek. Franchement, Bruxelles. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. L'info au kilo. Ah, il y en a un peu plus, je vous le mets. Et on commence par une information qui vous aura très certainement échappé, et c'est aussi le rôle de cette émission de service public de vous le rappeler, car aujourd'hui c'est la journée internationale du houmous. Génial ! Ça c'est génial ! Mais ça vous fait vraiment plaisir, Alex ? Bah, non, je m'en fous. Hein ? Ah, d'accord, très bien. Mais alors passons à l'actu. C'est vrai. Et il y a même un article dans Haaretz. Si vous lisez en anglais, allez voir. Je vais même dire mieux, c'est la 4e édition de la journée mondiale du houmous. Vous moquez, mais ça cartonne. Ça cartonne. Voilà. Donc passons à l'actu. Hein. Oui. On commence par Le héros de cette émission, Patrick Balkany. Oui, et dans le cadre d'une affaire de blanchiment, de fraude fiscale et corruption, on lui a retiré son passeport. Il doit donc rester en France métropolitaine. Oh, c'est dégoûtant. C'est dégoûtant parce qu'en fait, c'est une double peine. Ah, mais pourquoi vous dites ça? Ben parce que l'affaire de blanchiment et corruption porte sur deux villas à Saint-Martin et une à Marrakech, donc il peut même plus y aller. Non, mais vraiment, mais la justice est perfide. Je suis d'accord avec vous. Si tu nous écoutes, on est avec toi. Passons à une nouvelle qui m'a beaucoup réjoui sur son Twitter. Son compte Twitter, Louis Sarkozy, a posté une photo où il est avec Mouloud Achour. Non, mais ça voudrait dire oui, que... Oui, qu'après l'interview de Léonard Trierweiler, on va sans doute avoir droit à celui de Sarko Julien. Oh, génial et fort, Mouloud. Eh bien oui, j'ai d'ailleurs déjà les prochains invités de Mouloud. Alors, le fils de Marisol Touraine, pour parler de sa détention. Il y aura aussi Zora Dati et probablement Marie-Charline de Pierre Moscovici. Non, attendez, Alex, Marie-Charline, c'est pas sa fille déjà. C'était sa compagne. Alors elle ira chez Mireille Dumas, plutôt. Voilà. Pardon, autant qu'on voit. International à présent. Oui, Corée du Nord. Kim Jong-un avait exécuté son ministre de la Défense, qui s'était endormi lors d'un défilé. Eh bah dis donc, heureusement qu'il ne regarde pas la chaîne publique Sénat. Et ça l'a tellement énervé que, comme dit Pierre, qui a eu l'info, il l'a exécuté au canon anti-aérien. Dis donc, le ministre de la Défense, ça lui apprendra à acheter du bon matériel. C'est quand même plus sympa que de couper une tête tout doucement avec un couteau. Au moins, c'est vite fait. Du panache. Enfin, donc c'est qu'ils avaient acheté du bon matériel et peut-être ça explique que la France vend tant de rafales en ce moment. Les gens se disent, ils tombent pas dans le tir à pas dessus. On y va. On en passe à une étude sur la séduction. Oui, une étude sur la séduction, ça m'a beaucoup intéressé. Le site mistravel.com a demandé à des voyageurs de donner les nationalités les plus sexy dans les pays où ils ont été. Et chez les hommes, en 3, c'est les Pakistanais, en 2, les Australiens, en 1, les Irlandais, figurez-vous, les femmes trouvent les plus sexy. Et chez les femmes, la surprise quand même, en 3, les Américaines, en 2, les Barbadiennes et en 1, André Manoukian, les Arméniennes seraient les femmes les plus sexy au monde. Qu'est-ce que vous êtes venu foutre ici? Vous confirmez ou pas? Mais je confirme, elles ont des yeux incroyables et comment vous expliquer si une plastique? Une info de qualité, Alex, c'est bon. Leurs jambes sont des tours d'ivoire et leur... ça c'est le quantique mais des quantiques. Rentrez chez vous. Oui, une info de première qualité et je pense que ça va vous plaire. En Thaïlande, un homme a été surpris en train de faire l'amour à une voiture et c'est un vice qui existe. Oui, pardon, j'étais en vacances, ça va, on va pas revenir dessus. Qui s'appelle de la mécanophilie. Et donc, si la voiture est une mini, c'est sans doute de la pédomécanophilie. Ah ouais, bien sûr, puis c'est une deux chevaux, c'est de la zoomécanophilie. C'est ça, voilà. Et avec un piano, ça s'appelle comment? On sent l'expérience. Ça s'appelle André Manoukian. Alex, encore quelque chose? On essaie de se faire l'image, mais on ne voit pas où. Enfin bon. Bon, je voudrais terminer en faisant bonne fête à tous les houmous qui nous écoutent. Et tiens, Alex Vizorek, c'est le moment de... Parce qu'on venait de parler de Patrick Balkany, on parle beaucoup de conflits d'intérêts des politiques dans cette émission. Et là, il y a un conflit d'intérêts flagrant autour de cette table. Dénoncez-moi et je suis même très fier que vous me dénonciez. Bah oui, que Pierre Kroll, c'est quand même vous qui dessinez dans l'ouvrage d'Alex Vizorek, auteur, ses chroniques en Thalys, qui paraissent chez Kéro, c'est vous qui dessinez. Voilà. Répondez, Alex Vizorek. Mais soyez transparent. Combien il vous a payé? Il m'a dit combien Nicolas Baffi qui est publié chez le même. C'est pas Laurent, Nicolas. Laurent Baffi qui est publié chez le même éditeur avait vendu. Il espérait faire autant. Alors je dis bon, ok, je vais bien te faire quelques dessins. Il m'a dit qu'on serait riches tous les deux. Magouille et compagnie. Voilà, très bien. Écoutez, nous sommes ensemble jusqu'à 18h avec Pierre Kroll. On va aborder avec vous le premier sujet. Eh bien, François Hollande aurait survendu une rencontre historique avec Castro, Fidel Castro, à la presse. Ça a presque marché. Mais dès qu'il fait un truc historique, Hollande, à son retour, il y a une couverture de magazine sur Julie Gayet, une autre sur Valérie Trierweiler, sans compter celle sur Ségolène Royal. Est-ce que ça ne vous rappelle pas une histoire? Bonjour les filles. Bonjour Charlie. Salut. J'espère que vous ne voulez pas laisser séduire. Pourquoi? Jaloux. Je ne mélange jamais plaisir et travail. Chacune a sa place. Ah ben si on avait su. Vous devriez commencer à le savoir. Les réveils sont parfois douloureux. Oui, bien entendu. Pourquoi cette spécificité française? C'est incroyable. Je n'ai pas été à la hauteur. Les actrices non plus d'ailleurs. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Charlie et cette drôle de dame mixée par Benjamin Riquet, que le sujet passionne, vous l'entendez. Il va finir par voter Hollande en 2017. Mais pour trouver autant de perles dans un mixage, il faut être passionné par le sujet. Merci Benjamin Riquet. C'est génial cette musique, non? Ouais, bien, hein, bah ouais, fait rêver. C'est super. Il veut faire rêver notre président, c'est alors, tout. Déjà vous, Pierre Kroll, dans le quotidien belge Le Soir, comment est-ce que vous le dessinez, vous, Hollande? On se rappelle que vous aviez dessiné Sarkozy avec ses talonnettes et un visage un peu carré, comme ça. Hollande, qu'est-ce qu'il a de particulier chez vous? Il est un peu moins inspirant, parce que je dirais que c'est plus son comportement qui est caricatural, sa manière de bouger, le fait qu'il n'a pas de chance, il y a toujours un nuage au-dessus de lui, ou un oiseau qui chie, ou un truc comme ça, ce que je peux dessiner aussi, d'ailleurs, hein, je le fais. Mais au niveau de la plastique, pour parler comme André Manoukian, des arméniennes, je préférerais la plastique de Sarkozy, parce que lui mettre des talons deux fois plus haut qu'ils ne sont déjà, et puis sa gueule, comment je vais dire, d'arriviste arrivé, quoi. C'est un vrai personnage, c'est une marionnette. Sarkozy Hollande, plus mou et tout. Bon, tout le monde l'a déjà dit avant, donc il m'inspire quand même un peu moins. Et là, pourtant, il commente ce qu'il est en train de faire, tel un journaliste, et il commente avec beaucoup d'emphase. Il fait presque son hagiographie quand il dit « c'est un rendez-vous historique », alors que normalement, c'est quand même le temps, les conséquences, les historiens qui décident. Alors, c'est un article, évidemment, à charge du journal L'Opinion, qui dit « Hollande, ego maximo ». Donc, on ne s'attend pas tellement à l'avoir dans ce genre de posture. Hollande, dont on se moque souvent, et puis là, qui se érige en personnage historique. Ouais, mais qu'est-ce que vous êtes méchant avec lui. Enfin, c'est un caricaturiste qui doit vous dire ça, c'est quand même terrible. Enfin, Sarkozy, vous n'étiez pas gentil non plus, mais il a le cuir très dur. Parce que moi, il me semble que quand on va à Cuba, on essaye de voir Fidel Castro. Enfin, quand on a l'occasion, moi, je ne crois pas que je l'aurai, mais quand vous allez à Bruxelles, vous allez quand même voir le mannequin Peace, qui est un petit truc à la con, là, qui fait 60 cm. Bon. Alors, vous, je vous connais en matière de rencontres imprévues que vous ne pensiez pas avoir, vous avez du lourd à nous annoncer. Quoi, vous rencontrez des gens que vous ne pensiez pas voir. Le truc que je te racontais hier, là. Tout à l'heure, Faites-en profiter les auditeurs, alors. Eh ben, vous savez qu'il vit planqué à Bruxelles maintenant pour préparer un disque sur lequel il travaille depuis 10 ans, il paraît. André Manoukian doit le savoir, c'est Michel Polnareff. Et moi, j'étais le plus grand fan de Michel Polnareff quand j'avais 15 ans. Quand j'avais mis l'affiche de l'Olympia avec ses fesses à l'air, mon père a eu peur. Il s'est demandé ce que j'aimais comme type de garçon ou de fille à mon âge et tout. Et donc, moi, je suis vraiment un fan. Je trouve que c'est le plus grand chanteur, en tout cas celui de l'époque, quoi, mélodiste formidable, etc. Et puis, bon, je vais pas vous raconter le concours de circonstances, il est en fait quelque part à Bruxelles dans un studio en train de travailler. Donc j'ai pu passer une soirée avec lui voir la fabrication de son disque, et j'étais comme un gamin là à côté sans rien. Ah oui, est-ce qu'il ne vous empêche pas le lendemain ou le surlendemain, je sais pas, de faire un dessin dans le soir? Non, c'est le contraire, figurez-vous, c'est le contraire. J'avais fait le dessin méchant, effectivement, sur l'histoire de CTLM. J'avais dessiné la tête de Polnareff avec un gros bidon un peu vieilli et tout qui disait ma gueule. Ma tête de caniche, c'est 1 million d'euros. Bon, c'est pas très gentil. Eh ben, il a apprécié, il l'a tweeté, il l'a raconté, c'est comme ça qu'il a voulu me rencontrer. Si vous l'aviez donc, le gars vu, a beaucoup plus d'humour que ce qu'on raconte. Si vous l'aviez vu avant et que vous aviez passé une bonne soirée avec lui, est-ce que vous auriez osé le faire? Ben, vous savez, dans mon métier, on est incorruptible. Les d'où l'intérêt de ne pas croiser les politiques. Si vous avez peur de ce qui glisse, il ne faut pas faire du ski. Bon, voilà, quand on fait caricaturiste, surtout quand on est journaliste femme, on a très peur de ce qui glisse avec les politiques. C'est sûr. Ça glisse aussi, mais contrôler, c'est André Manoukian tous les jours à 7h06 sur France Inter. Contrôler. État du jazz vocal, le renouveau viendrait-il de la Belgique? Mais c'est quand même incroyable. Alors problème, parce que le jazz aujourd'hui est devenu un peu une musique d'initié. Il n'est qu'à voir comment Thomas VDB en parlait ici même dans sa chronique sur le Jazz Day du 30 avril. Demain, eh bien, dans Paris, il y aura 70 événements entièrement dédiés au jazz. Et donc autant d'occasions de voir des musiciens jouer un peu au pif et faire un peu n'importe quoi avec leurs instruments. La journée internationale du jazz proposera autant de façons de s'ennuyer très fortement à divers endroits de la capitale. Voilà l'image du jazz qu'ont les gens, mais c'est pas possible. Alors en gros, on peut se dire, effectivement, quand ils vont à un concert, c'est quoi ce déluge de notes que jouent les musiciens de jazz? Pourquoi les gens applaudissent à la fin d'un solo dont je n'ai rien compris? D'ailleurs, j'ai même pas vu quand il a commencé ni quand il a fini. En fait, autrefois, tous les musiciens étaient des jazzmen. Jean-Sébastien Bach était un jazzman. Mozart, Beethoven, Chopin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Danny Briand. Même s'il a été à Cuba, non. Mais Ça veut dire qu'ils improvisaient. Jean-Sébastien Bach arrive à la cour du roi Frédéric II de Prusse. Tout d'un coup, Frédéric II de Prusse voit que Jean-Sébastien Bach est là. Il va le chercher. Il lui dit, regardez, j'ai fait un petit truc à la flûte et tout. Bach voit la pauvre mélodie de Frédéric II et il en fait ce qu'il va appeler une offrande musicale. Il prend ces quelques notes qu'il a fait et il la développe. C'est ça l'art d'un jazzman, c'est de prendre un thème et ensuite de pouvoir discourir pendant assez longtemps dessus. Et ça, c'était dans la pratique musicale européenne. Sauf qu'au 19e siècle, on a dit stop. 19e siècle, il est un peu funeste, hein. C'est l'industrialisation. Et là, on dit, le patron, c'est le compositeur. Le musicien, ça ne sera plus qu'un exécutant. On met des flics devant les opéras, on les met à l'intérieur des opéras. La musique dite classique devient la musique de la bourgeoisie. On empêche d'applaudir entre deux actes. Et surtout, on cesse d'apprendre l'improvisation dans les conservatoires. Juste, on garde un seul instrument où il est permis d'improviser, c'est l'orgue. Pourquoi ? Parce que la messe, elle dure longtemps et l'organiste, des fois, il peut être à court de partition. Sauf que la musique, elle n'aime pas qu'on l'enferme. Auparavant, encore une fois, ils étaient tous improvisateurs. Chopin était obligé de payer un gars à côté, qui s'asseyait à côté de lui pour noter ce qu'il faisait. Parce que l'idée, c'était ça. Quand Beethoven fait une audition devant Mozart, il s'aperçoit que le morceau qu'il a présenté ne lui plaît pas du tout. Tout d'un coup, il dit à Mozart, jouez-moi quelques notes. Mozart lui joue quelques notes et Beethoven fait une impro là-dessus. Et là, Mozart, il est sur le cul et il sort et dit à ses potes, écoutez ce nom, Beethoven, on entendra. Bref, le problème, de la musique. Il a pas dit pareil avec Lederman, c'est ça ou quoi il a... La musique n'aime pas qu'on l'enferme. Au 19e siècle, on l'enferme. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle traverse l'Atlantique, elle redevient le jazz. Enfin, on redécouvre l'improvisation. Le jazz au début du siècle est une musique populaire parce que c'est une musique de danse, le foxtrot, le charleston, le swing, sauf qu'au bout d'un moment, il y a le bebop qui arrive. Le bebop, c'est quoi ? C'est qu'on joue maintenant tellement vite, on devient tellement virtuose, on éclate tellement les accords qu'on peut plus danser là-dessus. Le public va se retirer un peu, ça va devenir une musique d'initié. Mon conseil, si vous voulez vous rebrancher avec le jazz, eh bien, prenez la chanteuse. Rentrez dans cette musique par la voix. Pourquoi ? Vous savez que pour moi, la chanteuse, c'est le plus bel instrument du monde. Elle tient la mélodie, elle est la voix de la narration, elle incarne un récit. Une mélodie, on dit qu'elle est apollinienne parce qu'elle organise le chaos des sons avec une histoire, avec un commencement, un milieu et une fin. Comme dans vos chroniques, hein, y a un commencement, un milieu, une fin. Exactement, une improvisation vocale. Une improvisation vocale, c'est un discours spontané, c'est un jaillissement naturel qui prend tout son sens dans la bouche de la chanteuse. Au début, il y a eu Billie Holiday, inclassable et seul dans sa catégorie pour toujours. Puis les divas, Sarah Vaughan, au vibrato ample, profond, arrêtez Charline, au phrasé moelleux, au début précieux. Ella Fitzgerald, swing implacable, scat espiègle, mélancolie joyeuse. Puis arrivent les crooneuses blondes, Julie London dans les années 60, Diana Krall dans les années 90. Plus de vibrato, on joue avec la voix grave et la paupière lourde, l'understatement, le sous-entendu, le suggéré, le torride. Puis arrivèrent Norah Jones, Stacey Kent, et aujourd'hui, elle s'appelle Christelle Vautier. Ah, c'est là où commence la chronique. Voilà. L'intro, c'est fini, c'est fini, l'heure des divas. Désormais, on joue la proximité, on a l'impression qu'elle nous chante dans l'oreille. Son phrasé est limpide, sa voix nous parle, elle joue les aplats, la peinture naïve, la retenue. Elle n'est plus une vampe. Elle joue la femme-enfant à la sagesse tranquille. Elles nous mettent plus la fièvre, ces chanteuses, mais elles nous font entrevoir la sérénité, peut-être le dessin d'une nouvelle humanité où tu serais enfin simple et beau avec Christelle Vautier, cette fille de pasteur qui a grandi dans une chorale gospel, dernière née de la lignée des guerrières de la paix. Et qui nous vient, qu'on est à 5-15. Et qui nous vient de Belgique. C'est un peu comme avec vous, Charline. La vie est simple et gaie. Son album Before a Song est disponible sur iTunes, mais elle sera à Paris la semaine prochaine. Courez l'écouter au Sunset, 60 rue des Lombards, un des meilleurs clubs de jazz de Paris. Elle y joue avec son quintet le 19 mai. C'est mardi prochain. Moi, j'y serai. Before a song, Jane's impatient. Her feet are spinning all around. The game is on, the thrill of a passion. She dresses up her eyes and mind. She can't choose who she wanna be. Telling any story through a simple melody. So let it go, let it go. And before a song, John is hoping that his morning will be heard. He wants to sing a song of sorrow for the whole wide world to know. His broken voice is yelling, sound scenting of a rain, a heartache seeping away. He feels like a shimmering trunk. Christelle Wauthier, Before a Song. Allez voir Christelle Wauthier le 19 mai au Sunside à Paris. Sunset. Au Sunset. J'ai écrit c'est pareil, Sunset. C'est le Sunset à Paris. Le 19 mai, c'est à côté. mais allez-y, c'est vraiment un coup de cœur de cette émission et un coup de cœur d'André Manoukian. Et allez-y, Christelle il sera là-bas, Manoukian, Wauthier. Et on me. Alors, justement, en régie, heureusement, Benjamin Ricard est vigilant. Et c'est bien le Sunside. Ah, bah, Manoukian, c'est de m'introduire en erreur. Pour une fois qu'on fait confiance à Manoukian. Et en plus. Mais c'est le même club, mais il y a deux étages. Ah, voilà. Et en plus, vous pourrez non seulement voir Christelle Wauthier, et en plus, vous pourrez voir André Manoukian. Et ça, c'est quelque chose. Qui terminera sa chronique sur scène. Ah, bah, justement, attendez, il y a des trucs que j'avais pas dit. Oui. Bah, écoutez, vous savez quoi? Du coup, c'est Guillaume Beris qui va nous faire 1 minute 30. Je vous le présente, Pierre Kroll, parce que nous sommes avec Pierre Kroll, caricaturiste belge du journal Le Soir. Allez voir ses dessins, notamment sur lesoir.be. Chaque jour, il y a vos dessins qui sont sur le site. Et Guillaume, c'est à vous, c'est l'enquête, c'est le comique d'enquête. Oui, alors aujourd'hui, je voudrais m'adresser aux jeunes qui nous écoutent et je voudrais leur délivrer un message. Oh les jeunes, vous avez que ça à foutre d'écouter la radio à cette heure-là, espèce de feignasse, hein, vous seriez pas mieux en train de réviser le bac ou de chercher du boulot, bande de parasites sociaux. Continuez comme ça, vous finirez dans un bêtisier de la Nouvelle Star, entre une reprise de Lady Gaga au flûte à bec et André Manoukian qui se cure le nez. Voilà, c'est ça que j'avais envie de dire. Pardon, excusez-moi, c'est un peu violent. Non mais c'est vrai, non, je suis énervé parce que j'étais ce matin au grand forum de l'alternance où des entreprises sont venues gentiment à la rencontre des jeunes pour leur dire « Viens le jeune, viens, on a du SMIC et du travail le dimanche pour toi. » Et les jeunes, ils étaient là, complètement paumés. Par exemple, il y en avait un qui attendait devant le stand du fabricant d'armes MBDA. Je connais pas trop la boîte, mais je vais apprendre à la connaître. Enfin, je vais m'entretenir avec les responsables. Parce que là, ils fabriquent des missiles quand même. Ah bon? Ah bah ouais. Je savais pas. Bah si, il y en a partout là, sur les affiches. Je vais dans la compta, donc je vais pas trop lancer de missiles, je pense. Ah non, mais vous allez contribuer à en fabriquer. Ah peut-être, mais... Enfin, je ferai juste les chiffres, je les lancerai pas, vous inquiétez pas. Bon, alors ça va, je suis complètement rassuré. Autant rassuré que par un conducteur de train à Drancy en 1943. Oui, c'est un point Godwin. Oui, mais je suis humoriste en alternance. Hein, le reste du temps, j'essaye de lancer des polémiques à la con, un petit peu comme Emmanuel Todd. Hein, faut bien qu'il bosse aussi, le gars. Car le marché du travail, c'est compliqué pour tout le monde, mais surtout pour les jeunes, faut bien l'avouer. Heureusement, pour les aider, il y avait une conseillère d'orientation. Je suis allé la voir pour lui poser une question toute simple. Est-ce qu'il y a beaucoup d'élèves qui veulent devenir conseiller d'orientation? Je ne crois pas, non. Vous conseillez pas votre propre métier? Oui, mais un conseiller n'est pas un prescripteur. Ah non, mais j'ai pas dit ça. Voilà. Comment vous expliquez qu'il n'y a aucun élève qui veut devenir conseiller d'orientation? Il y a plein de métiers auxquels on ne pense pas. Voilà, ben oui, c'est vrai, on n'y pense pas. Et c'est vrai qu'on ne met pas ça dans la tête des enfants dès le plus jeune âge. Il n'y a pas de conte pour enfants qui débute par « Il était une fois, dans le royaume de la forêt magique, un prince charmant amoureux d'une conseillère d'orientation du collège Patrick Juvet de Melun ». Eh ben non, il n'y a pas ça. Et là, c'est dommage. Bon, pour le conseil, heureusement, elle n'était pas la seule. Il y avait aussi des conseillers Pôle emploi. Donc moi en fait je fais partie du Pôle emploi de la Cité des métiers de Paris. Donc vous êtes censé trouver du boulot aux jeunes? On les aide dans leur démarche par rapport effectivement à notamment leur projet de formation et par rapport à ici dans le cadre de l'alternance. Mais si vous leur trouvez du boulot, ils n'auront plus besoin de vous. Et c'est vous qui allez vous retrouver au chômage? Alors là vous me faites rire. Voilà, et là, il arrive. Là on est au maximum du fou rire d'un conseiller Pôle emploi. Il rit silencieusement, comme vous Clara, c'est vrai, hein, à chaque fois on a l'impression que vous faites un AVC, c'est troublant. Enfin je dis ça, c'est quand vous comprenez les blagues, hein, donc c'est-à-dire une fois sur 15. Autre métier où on se poile pas mal, contrôleur des impôts. Eh oui, l'administration fiscale c'est fandard. Comment on fait pour inciter les jeunes à bosser dans ce secteur? J'avais ma petite idée. Bon, est-ce qu'un argument aussi pour les jeunes, c'est le fait qu'on peut quitter le travail à 16h, on va pas se mentir. Pas vraiment, hein. Non, je pense qu'il faut être, faut s'investir, hein. Il y a beaucoup de travail. Alors, faut s'investir, mais jusqu'à 16h. Pas nécessairement, non. Vous savez, les jeunes qui rentrent chez nous, le métier leur plaît rapidement, et ils sont pas forcément pressés de partir, ni à 16h, ni même à 17h. Alors, s'ils veulent partir à 16h, on les empêche pas, hein. Ah, voilà. Bah oui, on les empêche pas. Mais c'est vrai qu'à 16h, qu'est-ce qu'on a tendance à se dire au centre des impôts? On se dit, je vais pas aller me poser tranquille en terrasse avec mes potes. Je vais plutôt bosser sur le dossier de redressement fiscal de Madame Grimbert. C'est vrai, ça. Hein. Ce qui explique que quand vous appelez une administration à 16h05, vous avez tout plein de gens qui se battent pour vous répondre, des jeunes, surtout, et souvent, ça bloque les lignes. Et c'est pour ça que vous n'avez personne. Voilà l'explication. Autre secteur dans lequel on a vraiment envie de travailler quand on est jeune et qu'on débute, la grande distribution. Alors ça, c'est le rêve. Et, oui, c'est vrai, ça fait rêver. Et le grossiste Métro. Vous connaissez Métro? Il était présent aussi. D'ailleurs, ils avaient installé des panneaux qui m'ont interpellé. Bon, j'ai vu que vous faites du commerce de gros. Oui. C'est-à-dire vous vendez des Valérie D'Amido, des Guy Carlier, des choses comme ça. C'est pas mal, ça, franchement. Ouais, sans conviction, Mais je vous dis, je suis humoriste en alternance, hein. Donc j'alterne, je peux faire des blagues douteuses sur le physique des gens, en alternance avec des blagues plus intelligentes sur Kant et la métaphysique. Mais bon, là, on n'a pas le temps, puis vous êtes largués, je vois. Et puis, redevenons sérieux, comment ils font chez Métro pour séduire les jeunes? Alors, aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué de leur donner envie parce qu'on est très très nombreux sur le forum. Donc on fait un petit peu du speed dating. Ah, vous faites du speed dating carrément? Oui, c'est un petit peu ça là aujourd'hui. Alors je suis jeune, je fais ouais, métro, pourquoi pas? Alors j'arrive, hop, qu'est-ce qui se passe? Alors qu'est-ce qui se passe? Tout dépend déjà de ce que vous voulez faire. En fait, ce que je veux faire, c'est assez simple, c'est travailler assez peu et gagner beaucoup d'argent. Bah alors faut pas venir à métro. C'est un speed dating qui est foiré, ça. Bah oui, c'est foiré, mais je reste cohérente. Faut pas être cohérent dans un speed dating, faut raconter n'importe quoi pour essayer de pécho la fille. Ah non. Ah, vous avez jamais fait de speed dating? Non. Mais voilà. C'est comme les hommes politiques qui veulent remettre les Français au travail alors qu'ils ont jamais rien foutu de leur vie. Ça m'énerve encore plus que les jeunes. Bon, d'ailleurs, je vais finir par un message pour eux. Les jeunes, restez au chômage ou chez papa-maman le plus tard possible. Ça vous fait du temps pour écouter la radio de 17h à 18h et ça préserve notre boulot. Merci d'avance. Merci Guillaume Meurice. Allez, on est ensemble jusqu'à 18h sur France Inter. Et avec Pierre Kroll, on maquille l'actualité comme une voiture volée ou une actrice qui monte les marches. Sujet 2 avec la sélection officielle à Cannes. On a l'embarras du choix entre tous ces films qu'on n'ira jamais voir. Alors, on commence par quoi? Tu peux garder un secret. Parlez-moi de la pluie. Je ne parle pas de la pluie, c'est un secret. Ah, je sais. J'ai un secret, je te le dirai sous la pluie. Il paraît que c'est très bien. C'est avec Loïs Cornillac et Audrey Tautou. Génial. Ouais. Les Guignols de Michel Denisot et Laurent Veil. Voilà, donc au bout de 68 festivals de Cannes, on essaye de trouver des trucs qui changent dans la presse. Là, le gros sujet, c'est Pierre Lescure qui est le nouveau président du festival. Et les journalistes ont noté que pour la présentation de l'événement, pour la première fois, plutôt que de parler de cinéma, il avait parlé de sponsors et de partenaires, car c'est important. Et à Cannes, c'est vrai qu'il faut plusieurs partenaires à la fois. Est-ce que Pierre Kroll, l'œil du caricaturiste... Oui, voilà, c'est ça. L'œil du caricaturiste touriste sur Cannes, vous avez l'occasion d'y aller. Qu'est-ce que vous avez retenu et qu'est-ce que vous dessineriez de vos souvenirs de Cannes? Écoutez, j'étais une seule fois à Cannes, j'étais invité, donc c'est un peu du côté des invités, mais en même temps pas un méga invité. Je suis pas. Ah, il y a plusieurs catégories d'invités. Ah bah oui, un peu. Ouais. Là, il faut en général 18 badges pour pouvoir aller prendre un verre. Donc moi, j'étais quand même dans les bas échelons. Je devais aller dessiner dans une soirée festive, évidemment, devant la plage, devant le Martinez. Donc j'ai vu en backstage, comme on dit, Emir Kusturica et son orchestre. Alors c'est pas mal parce qu'on confond le sable et la poudre tellement il y en a en dessous. Non, je vous jure, ça c'est assez costaud. Des gueules cassées de musiciens serbes et tout de Kusturica, ça fait un peu peur. Moi, je venais faire des petits dessins gentils. Des petits niqués. En plus, l'arrivée était marrante parce que c'est très bien organisé le à Cannes, tout. Donc, on est venu me chercher à l'aéroport avec une bagnole décapotable et un mec qui sait absolument pas qui je suis. Donc, pour le même prix, je peux être une star américaine qu'il a pas reconnue ou je sais pas quoi. Donc, il m'a dit, on fait la croisette? Ben, tiens, je dis, ouais, je veux. Bon. Donc, on a fait la croisette et puis il y a des gens qui courent derrière la voiture pour me demander un autographe sans savoir du tout qui je suis. Moi, je suis pas vraiment comédien. Ils se disent, sait jamais, il est peut-être très connu ce gars-là. Bon, on l'a refait, ouais, ouais, on a fait deux fois la croisette comme ça. Et alors, la fin de la nuit, oui, j'ai vu aussi tous les plans foireux. Alors, j'aime pas balancer des gens qui sont connus, mais vous savez, mon ami, un Belge aussi, mon ami Stéphane De Groot, n'a pas toujours été aussi connu que maintenant. Et alors, c'est génial de le voir dire attends, on va aller dans cette boîte parce que je connais le gars à l'entrée, et puis Yves Montiel est peut-être dedans, et il va nous faire entrer. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça marche absolument jamais. On est largué de partout. Et à la fin, j'ai cette image, moi, mais j'exagère pas, je vous jure, sur la plage, des mecs en peut-être des stars, des mecs en smoking avec le nœud papillon défait, qui se tiennent à un palmier et qui vomissent. Et alors, des espèces de super nanas merveilleuses, je crois que c'est des actrices, on m'a dit que c'était des putes russes, mais enfin, qui dorment sur la plage. Voilà. J'ai vu ça. Et la gueule du taxi au petit matin, complètement crevé, qui me raconte qu'il passe toutes ses nuits à ramener les gens dans leur lit. Et fin de l'histoire. Sodome et Gomorre. Ah oui, évidemment. Stéphane De Groot qui finit sur le plateau du Grand Journal pour faire des chroniques pendant tout Cannes. Aujourd'hui, donc c'est quand même bon. Une belle histoire. Guillaume Meurice, est-ce que vous avez pris des notes? ça m'a donné envie. Que vous y allez. Vous y allez, là. Eh oui. On va l'envoyer. Il va revenir avec des reportages. Donc voilà. Soyez vigilants. Ouais. J'aime beaucoup ce festival de la cocaïne, mais je comprends pas pourquoi on projette des films, en fait. Très bien, voilà. Donc, restez sur la plage après 4 heures du matin. C'est donc sans a priori que Guillaume Meurice sera sur la croisette ce week-end pour nous ramener des reportages. En tout cas, on a eu l'œil de Pierre Kroll sur Cannes, c'était bien amusant. Clara Dupont-Menot, Charline Vanhoenacke. Prenons un petit peu de hauteur, comme chaque jour, à cette heure-ci sur France Inter. Tentons, Charline, car l'actualité, c'est aussi la marche arrière de François Rebsamen, qu'il a enclenchée mardi. Je rappelle qu'il voulait supprimer l'instrument qui mesure les inégalités entre hommes et femmes au travail. Ce qui, au fond, était assez logique. Je rappelle que François Rebsamen appartient à un parti, donc, qui a supprimé le ministère du droit des femmes lors du gouvernement Valls le premier. Donc, c'était assez cohérent. Mais, face au tollé, il a réparé sa bévue. Alors, en imaginant une seconde qu'il pouvait oublier les femmes, François Rebsamen s'est fait une ennemie. Mais alors, une grande, une vraie belle ennemie, une très, très coriace ennemie qui s'appelle Aliénor d'Aquitaine. Cette femme, elle a été deux fois reine au XIIe siècle, reine de France et ensuite d'Angleterre. C'était une femme de pouvoir, un hobby qui n'est pas donc réservé qu'aux hommes. Et toute sa vie, elle s'est bagarrée contre l'inégalité entre les hommes et les femmes, surtout entre elle et les hommes. Aliénor aurait eu François Rebsamen en face d'elle. A priori, il n'en restait pas grand-chose. Elle en aurait fait qu'une bouchée. Et elle a été tellement marquante et tellement précurseur qu'elle inspire encore notre littérature d'aujourd'hui, et j'en sais quelque chose. Et justement, elle est l'héroïne d'une série de bandes dessinées qui est formidable, dont le quatrième tome vient de sortir, signé du trio Delalande, Mogavino et Gomez. Alors, il faut savoir que la guerre des sexes, elle a commencé sur papier avec Aliénor d'Aquitaine, puisque au Moyen-Âge, ceux qui écrivaient, ceux qui tenaient la plume et laissaient des traces, c'était les hommes d'église. Or, ils étaient... Oui, les hommes d'église, ils laissent des traces. Ça voilà, merci. Et ben, vous croyez pas s'il y a dire. Parce qu'ils étaient tellement émoustillés... Sur les enfants. Voilà, aussi. Ben Aliénor n'en était pas une, mais ils étaient tellement émoustillés, effectivement, un peu excités, alléchés et aussi ulcérés par Aliénor d'Aquitaine, qu'ils l'ont effacée de leurs écrits. C'est-à-dire qu'ils ne l'ont pas décrite. De Aliénor, on n'a pas son visage, on n'a pas ses cheveux, on n'a pas sa taille. Le seul mot qu'on ait pour la caractériser, c'est un mot occitan qui est perpulcra, ce qui signifie très belle. Et donc, c'est quand même assez vaste. C'est très occitan, ça. Voilà. Perpulcra, c'est très, très occitan. Ah, merci. Perpulcra, non, pas du tout. Alors, il se trouve que les artistes adorant les blancs, prenant appui sur les vides, c'est parfait. Et nos auteurs de BD profitent justement de ce vide pour imaginer leur Aliénor à eux. Alors, eux, ils l'ont campé châtain, avec les yeux verts, ce qui, en fait, est un compromis, puisque dans la littérature médiévale, la beauté, en général, elle est blondeur. C'est-à-dire que les princesses ont toujours les cheveux comme les blés, la peau pâle, les yeux bleus, et la brune, en revanche, c'est la sorcière. Donc moi, j'aurais pas fait long feu, c'est le cas de le dire, et Charline aurait eu Lancelot à ses pieds si nous avions vécu au Moyen-Âge. Voilà. Charline. Voilà. Donc ils ont trouvé un mix, c'est-à-dire châtain aux yeux verts. Et puis, ils ont choisi la légende noire d'Aliénor. Et c'est pas qu'un mot. La légende noire, ça a été un courant historiographique qui est né, qui perdure encore, très critique envers Aliénor, et on l'a décrit machiavélique, croqueuse d'hommes, prête à tout, mais alors à tout pour le pouvoir. Et ça aussi, c'est l'avantage d'avoir une histoire qui ressemble à la dentelle de Bruges. Hein, je ne vous apprends rien, mes amis belges, puisque à force d'avoir des trous, et ben justement, on peut tout inventer. Voilà, c'est très perpulcrasse. Alors, nos auteurs, ils vont plein pot, parce que dans ce tome 4, Aliénor, qui est impériale, elle affronte la jalousie et la colère de son mari, le roi de France Louis VII, et elle dit à ses alliés, je cite la bande dessinée, « Nous ne serons rassasiés qu'une fois notre plan pleinement accompli. » Ou alors elle demande, avec un petit sourire, « Peur, moi ? Mais de qui ? De quoi ? Tremble, François Rebsamen ! Tremble, Rebsamen ! Et les auteurs n'oublient pas cette séquence historique, inouïe d'ailleurs, où Aliénor décide de quitter son mari, le mot divorce n'existe même pas, pour partir avec le pire ennemi de la France, qui est Henri Plantagenet, futur roi d'Angleterre. Petite précision qui réjouira Alex Vizorek, elle a 11 ans de plus que son deuxième mari, Aliénor Aquitaine, et donc la première cougar de notre histoire. Mais on a aussi beaucoup dit que la guerre de 100 ans, qui a opposé la France et l'Angleterre, découlait de cette décision d'Aliénor d'Aquitaine. Donc François Rebsamen, si vous voulez échapper à la malédiction d'Aliénor d'Aquitaine, qui entre parenthèses donc dure 100 ans, peut durer 100 ans, la prochaine fois pensez aux femmes avant de faire une loi et lisez Aliénor, la légende noire de Delalande, Mogavino et Gomez aux éditions Delcourt. Merci Clara Dupont-Moneau, vous êtes à la bonne adresse sur France Inter. Est-ce qu'on écouterait un peu de musique ? Bah alors, quel enthousiasme ! la dernière fois, c'était Manoukian. C'est moi la patronne, je décide musique, allez, c'est parti. Et que ça saute. Pas possible ça, quand même. La vague, la playlist France Inter, il est 17h53, oui vous êtes bien à la bonne adresse, dans le bon wagon, sur Inter, oui wagon, parce que nous sommes avec un Belge, le caricaturiste Merci, Pierre Kroll, mieux. Du journal Le Soir, allez voir ses dessins sur lesoir.be et son dernier album, c'est le grand 20e à la renaissance du livre, qu'on peut trouver, alors si vous ne trouvez pas en France, vous pouvez trouver sur les sites internet, sur tous ces sites qui exploitent les gens. J'ai un site aussi, hein, kroll.be. Kroll.be, c'est voilà. La meilleure manière. Ça veut dire belge, hein, j'explique. Oui, voilà. Tout à fait. Allez, troisième sujet, ensemble, l'Académie est assise sur un énorme pactole dont la gestion est aussi transparente que le lac Doménil. La Cour des comptes épingle la coupole. Quand on est fin lettré, comment est-ce qu'on fait pour compter les chiffres ? Allez, un bon compte à trouver, c'est parti. 6 moins 1, 5. 5 fois 100, 500. 500 moins 50, 450. Et 450 moins 7, 443. Ah ouais ? Le compte est bon. Ah ouais, vous avez bien fait de choisir les chiffres. Voilà, c'est dit avec conviction. Le patrimoine cumulé des 6 académies de l'Institut de France, dont l'Académie des Beaux-Arts, l'Académie française, c'est 1,5 milliard d'euros, dont les 3/4 en placement financier, le reste en biens immobiliers. C'est un article dans Le Canard, il y avait aussi un dossier dans Marianne cette semaine. Donc la richesse de l'Académie n'est pas qu'intellectuelle, vous l'aurez compris. La gestion est assez peu transparente. Est-ce que le prestige de l'Académie française vaut bien ça? Est-ce que ça impressionne quand on est belge, l'Académie française, la coupole? Ben, c'est vraiment un de ces trucs qui paraît vraiment daté d'une autre époque, quoi. On a l'impression qu'on a une webcam au XVIIe siècle, quoi. C'est un peu ça, quoi. Les costumes et tout, c'est assez fou. Et alors, les costumes, les décors. Oui, c'est un protocole qui a de l'allure. Non? Ah oui, prendre de l'allure, oui. Ou du ridicule. Oui, c'est oui, selon. Oui. Rappelons et je crois que ça sert quand même absolument à rien, non? Enfin, il faut un dictionnaire, mais il se pignole sur un dictionnaire, donc depuis 1635. Il se pignole vu leur âge. Bah, oui, il reste plus que ça. Ouais. 1635, jusqu'à nos jours, ils en sont à la 9e édition. Donc ça fait cher le dico quand même. Je trouve ça chouette parce que c'est une espèce de je suis d'accord. Par contre ils ont fait 2-3 échecs quand Émile Zola n'y a jamais été. Je trouve ça un peu spécial et d'avoir mis des gens un petit peu parce que c'était des amis de ceux oh qui non, étaient. Vous pensez ça m'ennuie oh mais non. J'aime bien l'idée que voilà tous les grands aient pu y aller. Bon ils ont fait 2-3 erreurs. C'est qui les derniers? Finkielkraut. Alors là par contre là par exemple ça je suis moins fou. Et j'espère que Clara Dupont-Moreau prochainement je vais voter pour vous. Je veux l'épée. Peut-être Alex Vizorek, sait-on jamais, puisqu'il écrit des sketchs. Oui. Pour mes meilleurs sketchs. Ah oui, alors vous oui, son livre. Pour mes meilleurs sketchs d'abord. Festival de Cannes, Catherine Deneuve a fait une conférence de presse. Elle a désingué tout le monde. Catherine, elle n'en a plus rien à claquer de rien. C'est Tati Catherine. Et on la retrouve quelques heures avant de monter les marches. Elle est dans sa chambre avec 2 sous-fifres. Alors Catherine, tout va bien? Non, ils me font tous chier. Ah, bah c'est que tout va bien, Catherine. Vous êtes si belle, Catherine. Ouais. Foutaise, je suis vieille et moche. Oh, ne dites pas ça, Catherine, vous allez être magnifique sur les marches. Non, de toute façon, tout le monde sait très bien que ceux qui montent les marches les descendent tout de suite après. Ils ne vont même pas voir les films. Ah, vous avez raison, ça, Catherine, et ça n'arrive pas au théâtre. Jamais, sauf si c'est BHL qui a écrit la pièce. Oh, Catherine, mais vous savez, le cinéma reste le cinéma. Mais arrêtez de parler comme Godard. Mais quand même, Catherine, Cannes, c'est la classe. Mais mon pauvre ami, le marché du film n'a rien à envier au salon de l'agriculture. Enfin, pourquoi vous dites ça? Parce que dans les deux cas, ce sont des producteurs qui ne lâchent pas leur limousine. C'est excellent. Vous trouvez ça drôle? C'est drôle, génial. Oui. Ah bon? Eh bien, ça ne l'était pas. Pardon. Non, mais Catherine, ce qu'il y a de bien, tout de même, c'est la quinzaine des réalisateurs. Oui, ça rajeunit la moyenne d'âge à Cannes. Parce que pendant l'année, c'est plutôt la quinzaine des défibrillateurs. C'est excellent, Catherine. C'était pas drôle non plus. Pardon. Mais Catherine, vous êtes dure. Il y a aussi la sélection Un certain regard. Non, oui. Alors là, c'est Jean-Marie Le Pen qui va gagner. C'est excellent, Catherine. Désolé. Pardon. Vous êtes dégueu. Vous êtes pitoyable, comme le monde du reste. Catherine, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous êtes heureuse? Moi? Très heureuse. Je ne comprends même pas pourquoi vous me posez la question. À Clara Dupont-Moreau dans le rôle de Catherine Deneuve. Il n'a pas fallu composer beaucoup, Clara Dupont-Moreau. Lire du Alex Vizorek. Donc rappelons le conflit d'intérêt de cette émission. N'est-ce pas votre livre, Alex Vizorek, Chroniquant Alice, édition Kero, et illustré par Pierre Kroll. Voilà une bonne façon aussi de... Et Nicolas Vado, ils sont deux, parce que j'ai pris les deux meilleurs Belges. Voilà, je leur ai demandé, ils ont dit. Ne vous inquiétez pas. Nicolas Vado et Pierre Kroll. Et aujourd'hui, Pierre Kroll avec nous. Je rappelle aussi Le Grand 20e aux éditions La Renaissance du Livre. Et allez voir kroll.be, donc Belgique, ou Le Soir pour ABE. Merci beaucoup Pierre. Merci d'être resté avec nous. Écoutez, demain nous serons en compagnie de Stéphane Paoli et là nous laissons le mot de la fin dédié à la capitale mondiale du cinéma. Y a qui à Cannes cette année? Cette année, Nespresso, Audi, les glaces Magnum.